Parce que tu sais que l'histoire des palais de justice, par exemple, tous les palais de justice, dans le temps, hein, avaient des marches. Et des marches assez longues, en fait. C'était assez long à monter. Et ça, c'est parce que tu dois t'élever vers la justice. On arrive à la cour d'assises. Le président, il commence son cinéma. Mais moi, je ne les laisse jamais commencer. Je ne les ai jamais laissés commencer, tu vois. J'ai toujours protesté avant de commencer. Il vient voir. Bon, il me dit, écoutez, monsieur Courtois, il me dit, il ne faut pas venir à la cour d'assises pour insulter les gens. Hein. Il me dit, ah, j'espère que vous n'allez pas venir à la cour d'assises pour insulter les gens. Hein. Je lui dis, non, mais attendez, j'ai dit, vous me prenez pour qui, moi? Non, mais il me dit, parce que bon, vous avez quand même plusieurs condamnations pour outrage à magistrat, tout ça. Et alors, ils m'ont outragé, je les outrage, c'est normal, c'est un échange de bons procédés. Toi. C'est quand même du folklore, un falbala, c'est invraisemblable. Hein. Tu vois, quand tu les vois, c'est vrai qu'ils sont déguisés, il faut dire ce qu'il y a, hein, ils sont déguisés, ça s'appelle un déguisement, hein, ça s'appelle pas une tenue de travail. De travail, c'est une tenue de gala, quoi. Quand Karim leur a dit le carnaval est terminé, on enlève des habits clowns, tu vois la vitesse à laquelle ils ont enlevé la robe rouge, mais c'est même pas la peine, tu peux pas croire. Tu crois que c'est l'autre, là, l'italien, qui se change à toute vitesse, là. C'était pareil. Ah ouais. Mettez-moi ces oripeaux, parce que Karim, attention, c'était un lettré aussi. Hein. Mettez-moi ces oripeaux sous le bureau, il a dit je ne peux plus les voir. Ils ont jeté leur robe sous le bureau, tout ça. Et là, le mec, il se met à parler normalement. Ah oui, je lui ai dit, mais vous avez encore le même blazer. Qu'en 85, il avait le même. Moi, j'ai dit, bon, l'avoir plusieurs. Il ne m'a pas répondu. Alors, les poulets, les mecs du RAID ou du GIGN, ou les mecs des prisons, maintenant, ce qu'ils appellent les IRIS, là, bon. Quand ils arrivent, ils mettent des cagoules, pour pas que tu les reconnaisses. Et moi, j'ai conseillé à président de tribunal de mettre une cagoule. J'ai dit, oui, je suis accompagné par des cagoulés. J'ai dit, vous n'avez pas. Et oui, je me demande comment ça se fait qu'ils ont des cagoules et tout ça. Elle me dit, bah, vous comprenez bien que c'est des gens qui tiennent à la sécurité. Il me dit, ils ne veulent pas être reconnus. Bah, vous devriez en mettre une, vous. Parce que tout le monde peut vous reconnaître. Oh, mais je m'en prie, non, bah, je dis, voilà, cagoule, belle cagoule.